Chapitre 5. Henri Duchemin avait une si grande envie de dormir qu'il fermait les yeux en marchant. Mais il ne le faisait pas longtemps de crainte de dévier. Une lanterne, comme une étoile grossière, clignotait au loin. Il n'avait aucune raison de s'en soucier, les gens étant libres d'allumer des lanternes. Pourtant, il ne la quittait pas des yeux, car il lui semblait que, dans cette nuit, tout ce qui était allumé l'était à cause de lui. Quand il fut à proximité de cette lanterne, il lut, gratté sur la peinture bleue, « Commissariat ». Alors, sans se retourner ni s'inquiéter des rues qu'il empruntait, il se sauva. Lorsqu'à bout de souffle il s'arrêta, il réfléchit. N'était-il pas ridicule de s'affoler ainsi alors qu'il possédait une fortune? Au petit jour, tout s'arrangerait. Il errait par les rues quand la fatigue l'obligea de s'asseoir sur un banc. L'air était glacial. Il enfonça ses mains dans ses poches et ne bougea plus. Il savait que le froid est mortel. Aussi s'évertua-t-il à rester en éveil. Pour le faire, il pensa à tout ce que sa fortune pourrait lui causer de joie. Ses jambes s'engourdissaient, il se leva. Les rues se resserraient de plus en plus. Pas une lumière ne brillait aux fenêtres. De temps en temps, il traversait la chaussée, puis regagnait le trottoir qu'il venait de quitter. Ou bien il s'arrêtait, se retournait, comme si quelqu'un l'eût appelé, puis repartait. En longeant les fenêtres grillagées d'un asile de nuit, il lut, à mesure qu'il avançait, « Défense affichée », et pour montrer que l'on ne plaisantait pas, « Loi du 27 juillet 1889 ». L'asile semblait abandonné. Il y entra, en prenant soin de laisser la porte ouverte, afin de pouvoir fuir en cas de besoin. Le silence était profond. Une odeur désagréable flottait dans l'air. Un tuyau noir d'un poêle montait droit jusqu'au plafond. Les couchettes, en rang le long des murs blanchis, étaient toutes occupées. De mauvais rêves devaient tourmenter les mendiants, car leurs vêtements pendaient jusqu'à terre ou gisaient entre les lits. Dans une cabine vitrée, le surveillant, éclairé à demi par une lumière glissant sous un abat-jour, lisait un livre dont les pages se recroquevillaient au coin. Henri Duchemin s'allongea par terre. Il se sentait à l'abri. Durant quelques minutes, les rayons de la lampe brillèrent entre ses cils croisés, puis tout s'obscurcit. Malgré la pierre meurtrissant ses hanches et ses coudes, malgré le froid qui lui tirait le visage, il s'était assoupi. Mais qui donc s'obstinait ainsi à lui frapper sur l'épaule? Un de ses ennemis, sans doute, ou bien un agent. Henri Duchemin ne broncha pas. Il savait qu'il n'y a rien de plus facile que de faire semblant de dormir. Mais il ne se doutait pas qu'on ne se lasse jamais d'éveiller quelqu'un. En effet, l'important ne se lassait pas. Alors Henri Duchemin s'imagina que le gardien d'une prison, qui tenait naturellement une lanterne à la main, lui offrait une cigarette avant d'expier. Afin de savoir ce qui allait se passer, il prit la cigarette en dormant et, pour la première fois de sa vie, avala la fumée. Puis il se leva et suivit le gardien. Sur une place se dressa la guillotine. Il vit un couperet couleur d'eau. Il allait mourir quand une brimade l'éveilla. « Que fais-tu ici ?»« Je dors. »« Il faut partir. On ne reçoit qu'avant 21 heures. » Henri Duchemin obéit. En sortant, il aperçut la cabine vide du surveillant, le livre posé sur la table et la lampe éclairant la chaise tout entière. Henri Duchemin chercha à oublier tout ce qui venait de se passer dans une marche hâtive qui, en outre, le réchauffait. Lorsqu'il traversait une rue, le fait de n'avoir pas à se garer des voitures lui semblait drôle. Ses souliers toquaient sur le bitume sec. Parfois, il explorait le ciel pour découvrir l'aube, mais les étoiles, toujours à la même place, demeuraient nettes et brillantes. Il vit un square où, le jour, les mères promenaient leurs enfants. L'espoir de trouver un banc et la faible hauteur de la grille l'incitèrent à pénétrer dans ce jardin. Le garde étant couché, il enjamba les arceaux bordant l'allée et arpenta la pelouse givrée, avec un plaisir d'autant plus grand que seuls les jardiniers avaient le droit de le faire. Puis il regarda à travers les carreaux du kiosque du garde. Il s'imaginait qu'une multitude d'objets encombrait la cabane, mais il ne vit que quelques marrons sur une table de bois noir. Déçu, il s'assit sur un banc. En face, entre les arbres dénudés, il aperçut, blanchi par la lune, un édifice que ses fenêtres s'envolaient et ses balustres de balcon rendaient semblable à la mairie d'un jeu de construction. pas un souffle de vent, un froid immobile de glacière. Les yeux grands ouverts, sans que jamais, ne serait-ce qu'un instant, les paupières vinssent les couvrir, Henri Duchemin pensait. Il pensait que, maintenant, on aurait de la considération pour lui. Et cette considération eût été plus grande s'il n'avait pas donné la moitié de sa fortune à ces gens qui, au lieu d'être reconnaissants, s'étaient moqués de lui. Mais comme Henri Duchemin n'aimait pas à regretter quelque chose, il classa ce souvenir. La perte de son chapeau l'ennuyait aussi, d'autant plus qu'il aurait eu le temps de le ramasser. Mais puisque ce qui est fait, il ne fallait plus y songer. À quoi sert-il de revenir en arrière? Demain, il achèterait un chapeau tout neuf, et surtout un gilet. Il aimait les gilets. Ne sent-il pas un peu le visage du corps, et n'ont-il pas une expression satisfaite quand la veste est déboutonnée? Et à l'aube, il partirait pour l'étranger. Il se vit dans un wagon. Il sentit même, au passage d'aiguillages imaginaires, de légères heures. Il vit la campagne et un soleil tout rouge se levant sur des sillons gelés. Un paysan ouvrait la porte d'une grange. Il commençait à travailler, alors que lui, Henri Duchemin, fuyait vers l'inconnu. Henri Duchemin se leva et se mit à marcher vite, pour avoir un peu de l'illusion d'un voyage. Il se trouva bientôt dans une rue populeuse, où malgré l'heure on réveillonnait. Il ne s'en étonna pas. La foule, les boutiques éclairées, les volailles roses lui parurent tout naturelles. Des reflets tremblaient sur des cuivres, au point que ceux-ci semblaient liquides. L'odeur des mandarines était dans l'air. Partout on riait, on s'amusait. Le pavé était sec. Le long des trottoirs, des flaques gelées, criblées de bulles captives, brillaient aux lumières dorées. « Je veux être heureux !» murmurait Henri Duchemin en fixant son regard sur les patientes. L'une d'elles le prit par le bras. « Je t'aime, » dit-elle. Elle titubait légèrement, et cela se voyait à peine, car chez les femmes, l'incertitude des jambes est masquée par la robe. « Allons souper ?»« Oui. » Ils entrèrent dans un restaurant populaire. La chaleur des plats, des lumières, des haleines chauffait la salle. C'était une chaleur désagréable, comme toutes les chaleurs que le feu n'a pas données. André Duchemin ôta son pardessus, lissa ses cheveux et furtivement jeta sous une chaise le coton qui bouchait ses oreilles. Tout en essuyant son couvert, il regardait autour de lui. On l'enviait. On pensait certainement que la femme qui l'accompagnait était sa maîtresse. « Tu m'aimes ?»« Oui. »« Tu le jures ?»« Oui. » Des passants entraient, sortaient. Le gaz se reflétait au sommet des glaces. Dehors, des groupes passaient en chantant. Le gémissement d'un jouet de baudruche parvenait quelquefois dans la salle. La jeune femme ouvrait et refermait la bouche, comme si elle goûtait quelque chose. Henri Duchemin pensait à l'avenir. Oui, son cœur ne battrait plus quand on frapperait à la porte. Il soignerait sa santé. C'est si agréable de le faire quand on est bien portant. Et il irait chez le dentiste, car il y avait longtemps qu'il avait mal aux dents. Fini le sentiment de sentir que chaque jour aggrave un mal contre lequel on pourrait quelque chose, si l'on avait de l'argent. « Écoute-moi, partons, partons. »« Pour où ?»« Pour l'étranger. » Le souper achevé, Henri Duchemin se sentit mieux. Il alluma un cigare, la jeune femme avait les yeux fermés. Il la regarda avec moins de gêne. Seul l'air qui passait entre les lèvres montrait que ce visage vivait. « Sortons. » Elle sursauta, puis promena un regard terne d'une table à l'autre. « Votre chapeau, monsieur ?» dit le garçon. « Non, non, je n'en ai pas. » Cet incident troubla Henri Duchemin. Par contenance, il ouvrit son pardessus qu'il venait de fermer. « Sortons, sortons, sortons !» Un groupe l'obligea à descendre du trottoir. Il se retourna, et d'une voix qui lui parut ressembler à celle de tous les hommes, il injuria les passants. Il était sûr de lui. Personne n'eût réussi à l'intimider, pas même un agent. Malgré la foule, il parvint rapidement à l'hôtel de la jeune femme. S'appuyant au mur, elle pénétra la première, entr'ouvrit la porte vitrée d'un bureau et prit sa clé. Une bonne faisait sa chambre. À l'arrivée du couple, elle se retira. Ce fut en s'étonnant que des gens fussent astreints de travailler la nuit qu'Henri Duchemin entra dans la pièce. Le rideau de la table de toilette était écarté, il vit un broc et un seau bleu. Il y avait des photographies dans la glace, le pollen d'une branche de mimosa se mêlait à la poussière de la cheminée. « Tu es fatigué ? » Je ne suis pas à mon aise. Tu as peut-être besoin d'air. Oui, ouvre. Henri Duchemin ouvrit la fenêtre. Une maison que l'on pouvait toucher se perdait dans la nuit. Comment vas-tu maintenant? J'ai froid. Henri Duchemin ferma la fenêtre. M'aimes-tu? Je ne sais pas. Tout à l'heure, tu m'aimais. Tant pis. Elle ôta sa jupe, l'enjamba. Ainsi, seulement à demi déshabillée, le buste semblait trop long. Elle se lavait. Tu es belle. Il s'approcha, voulut la prendre par la taille. Laisse-moi. Elle l'éclaboussa. Surpris, il la lâcha. Ses lèvres étaient sèches. Une goutte d'eau roulait sur son nez. Tu ne m'aimes pas. Laisse-moi ou j'appelle. Henri Duchemin eut peur. Non, n'appelle pas, n'appelle pas, je pars. Pars. Il ouvrit la porte. Ses pas, comme ceux d'un géant, emplirent le couloir de bruit. Il dévala l'escalier en croyant tomber à chaque marche, car il lui semblait n'avoir ni le temps ni la force de déplacer ses jambes.